Pourquoi Nicolas Chauvin n'a pas inventé le chauvinisme ? Sur un site internet qui se donne pour mission d'aider les citoyens à se forger leurs propres convictions en leur apprenant à être sceptiques, j'ai découvert récemment que le mot Chauvin avait pour origine, je cite, « le nom de famille de Nicolas Chauvin, soldat de la Révolution française, puis de la Grande Armée de Napoléon Ier ». J'avoue que cette définition m'a laissé sceptique, car j'avais lu dans une thèse que ce Chauvin-là n'avait jamais existé. C'est un personnage inventé de toutes pièces dans une légende militaire datant du Premier Empire. Elle raconte qu'il aurait perdu 3 doigts et un morceau de crâne, mais qu'il aurait malgré tout cela courageusement défendu son pays. Le terme « chauvinisme », utilisé pour désigner le patriotisme excessif de Chauvin, commença à circuler sous la monarchie de Juillet grâce à des pièces de théâtre comme « Les aides de camp » de Bayard et Dumas Noir, avant de se fixer dans des ouvrages et des dictionnaires. À vrai dire, le fait que ce personnage ait existé ou non n'est pas vraiment très important d'un point de vue historique. Ce qui compte, c'est de mieux comprendre comment des représentations collectives construites dans les siècles passés peuvent encore imprimer leur marque sur notre présent. Même si le théâtre populaire présentait souvent Chauvin comme un individu comique ou naïf, ce personnage de vaudeville incarnait un stéréotype que les élites de l'époque appréciaient pour des raisons politiques. Le mythe du soldat laboureur était très ancien, puisqu'il avait été incarné dès l'Antiquité à travers la figure de Cincinnatus, un aristocrate du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui serait devenu paysan, puis se serait dévoué pour sauver sa patrie. Au début du 19e siècle, ce mythe fut mis à profit par les gouvernants pour célébrer les vertus d'une France rurale et artisanale par opposition à l'Angleterre, le pays qui était alors bouleversé par les débuts de la révolution industrielle. Jusqu'à la fin du Second Empire, la conviction que les révolutions politiques se produisaient toujours dans les villes, et d'abord à Paris, incita les dirigeants à freiner l'exode rural en vantant les mérites de ce brave paysan patriote. Les républicains, qui s'emparèrent du pouvoir à partir des années 1870, étaient issus, pour la plupart, d'une bourgeoisie urbaine qui méprisait ceux qu'ils appelaient les « ruraux », alors synonyme de réactionnaire. Mais comme ceux-ci formaient encore la majorité des électeurs et que le prolétariat industriel commençait à ruer dans les brancards, le pouvoir républicain finit lui aussi par promouvoir la figure du laboureur patriote. La masse paysanne, instantanément transformée pour l'occasion en une armée de petits propriétaires indépendants, fut dès lors présentée comme l'ultime rempart face au péril révolutionnaire. C'est à ce moment-là que l'extrême droite nationaliste s'empara du stéréotype incarné par Chauvin pour exalter les racines terriennes du peuple français contre les métèques de tout poil. Le chauvinisme devint alors l'une des dimensions essentielles du nationalisme. C'est ce thème que le régime de Vichy poussa à son comble en exaltant la figure emblématique de Philippe Pétain, le maréchal paysan.